Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Magic 101. Mon nom est Guillaume, je suis votre animateur. Et pour se joindre à moi en ce 12e épisode, fidèle à son poste, nul autre que Renaud Giraldo. Salut Renaud. Salut Guillaume, hey, wow. Fidèle à ton poste, mais en fait, un poste qui a, disons-le, peut-être skippé depuis quelques semaines. Hein. On va faire un petit retour sur notre absence. Je pense que ça vaut la peine parce que. Ben, ouais, vas-y. C'est comme Han Solo et Chewbacca réunis après 32 ans d'absence. Ça me donne des petits papillons. Mais ça, des petits papillons. Moi, en fait, écoute, j'avais la balado dans mon cœur. J'y pensais, j'essayais d'entrer ça dans mon horaire, de voir où est-ce que ça aurait du sens. Puis des fois, quand ça avait du sens pour moi, ça avait moins de sens pour toi. Parce que, disons, partons d'un événement quand même très heureux qui est de ton côté, tes nouveaux papas. Félicitations, Renaud. Je voulais te le dire. Une deuxième fois. Ouais. Fait que donc, un enfant dans la vie de toi, ce qui peut, dans le fond, prendre du temps puis ne pas toujours aider un horaire. Et moi, comme je l'avais peut-être déjà dit dans un autre épisode, mais je terminais un bac en enseignement et là, j'étais en stage, là, j'ai terminé mon stage, je remets mes derniers travaux, j'ai fait les derniers trucs à faire et là, donc, j'étais en fin de session d'université, combiné à ça au fait que je suis aussi un petit chanteur et que ça fait quand même déjà un bout, dans le fond, c'est près un mois, je suis allé à New York chanter au Carnegie Hall. J'étais bien content de ça, mais ce qui fait quand même que ça m'a occupé aussi dans la préparation et tout ça, donc beaucoup moins de temps pour la balado, même si j'aurais aimé ça prendre le temps pour le faire, puis je pense que toi aussi, là, de ton côté, tu me sollicitais aussi une fois de temps en temps pour qu'on essaie de se trouver un moment, mais c'était plus difficile. Ben oui, t'étais à Carnegie Hall. Ben ouais, j'ai été là pendant un mois. Excusez, pardon, ben monsieur. Ouais. Mais tout ça pour dire que c'est pas parce que je suis bien glamour puis New York que je voulais pas faire la balado. C'est aussi le fait que justement, fallait que je consolide ça avec le travail, la famille, les études. Mais là, écoute, j'ai fini l'école. Surtout que la dernière session en enseignement, c'est la plus difficile. Là. C'est un petit peu hors sujet, mais... Ouais. La dernière session en enseignement, l'université se rend compte qu'ils vont donner un diplôme à des gens, fait que là, ils leur font faire vraiment des choses pendant la dernière session. Ouais, toi, je suis pas sûr que je veux te faire. C'est pas sûr que je veux que tu sois un enseignant, fait que je vais vraiment. Parce que, parenthèse sur ça, là, en ce moment, c'est comme un sujet d'actualité, là, le fait que, bon, les enseignants, peut-être que c'est trop. Comme on accepte trop de monde, c'est peut-être trop facile à être accepté, mais si c'est facile à être accepté, honnêtement, c'est pas facile de finir parce que t'es mieux d'attacher ta tuque. Finir un bac en enseignement, c'est 4 ans, t'as des stages dans le milieu, c'est un peu intransigeant. À la fin, nous, à Sherbrooke, il faut qu'on fasse une recherche. Tu l'as fait aussi, Renaud, une genre de recherche qui s'appelle Recherche Action. Bref, c'est lourd. Fait que là, disons que j'étais assez content que ça soit terminé. Et honnêtement, j'ai beaucoup de rattrapage à faire côté Magic à cause de ça et j'ai manqué plusieurs des récents événements et ça va être un peu le sujet de notre balado aujourd'hui. Donc s'il y a d'autres auditeurs qui sont un peu dans ma situation à moi ou est-ce que vous avez peut-être moins suivi l'actualité Magic depuis quelques semaines, ben ça va être un bon épisode pour vous parce que moi ça va même jusqu'au fait que j'ai manqué le pre-release de Dragons of Tarkir. J'ai pas écouté le dernier Pro Tour, donc je me sens vraiment loin du format et j'espère que cet épisode-là va servir à moi et aux auditeurs qui peut-être n'ont pas été aussi proches du format eux aussi pour se faire un portrait d'ensemble de c'est quoi les événements qui viennent de se passer, c'est quoi qui en ce moment est important de savoir à propos des différents formats particulièrement standard et un peu qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir. Fait que je pense que ça va être un peu ça le topo de notre épisode. Si on commençait peut-être par quelque chose de qui vient tout juste d'arriver et qui a un sens particulier pour la balado, Pro Tour Dragons of Tarkir qui avait lieu en fin de semaine dernière et on avait un de nos amis et invité par le passé à la balado Magic 101, Phil Asselin, qui était présent à Bruxelles pour jouer à Magic et donc qui a vécu une expérience là-bas. Je pense que toi, Renaud, t'es quand même proche de ce qu'il a vécu, t'es en contact un peu avec lui. Peut-être on va recevoir probablement Phil lorsqu'il sera de retour au Québec, mais d'ici là, on va essayer de voir un peu, est-ce que tu sais qu'est-ce qui lui est arrivé, peut-être nous parler un peu de ce que lui a vécu là-bas, puis on servira d'un peu de lui, ce qui est arrivé pour parler de les grandes lignes de la metagame, par exemple, ou des grands événements qui sont arrivés, qui ont marqué le Pro Tour en fin de semaine dernière. Oui, ben Philippe est reconnu pour sa légère indécision là, lorsqu'il vient le temps de choisir un deck. OK. Surtout quand il est question de standard, là, sa préparation pour standard, a gagné en maturité, je dirais, avec ce tournoi-là. D'ailleurs, j'ai mis aujourd'hui l'article qu'il a écrit au sujet du PTQ qui l'a qualifié pour ce proto-là. Ouais, j'en profite pour Je dire. l'ai mis en ligne, là. Ouais, c'est génial ça. Si jamais il y a des gens qui écoutent la balado et qui l'attrapent juste par Facebook, on mettra le lien vers l'article. Ben, en fait, il est déjà sur la page Facebook de la balado. Mais je suis vraiment content qu'il y ait cet aspect-là qui puisse peut-être éventuellement se développer aussi, qu'il y ait des contributions comme ça de gens du milieu en article sur la page. Je trouve ça vraiment génial. Donc, merci Phil d'avoir fait ça. Moi, Tout c'est à fait. super. Puis l'article a été écrit quand même il y a une couple de semaines, là. Puis c'est juste moi qui avais complètement oublié de le mettre, là. Puis, mais ça va être intéressant de voir par rapport à cet article-là, maintenant, Philippe est rendu où après avoir passé un pro tour. Surtout qu'il a relativement bien fait dans la section, là, construit du Pro Tour en standard. Il a fait 7-3 pour 21 points, puis il y a un total de... Il y a 6 rounds de draft aussi, là, quand tu fais les 2 jours. Puis en draft, il a fait 3-3 pour 9 points. Total de 30 points. C'est à un match c'est à une victoire d'être invité automatiquement au prochain Pro Tour. Il est vraiment passé proche, là, Ouch. de mettre une performance au-delà de toute espérance. C'est Vraiment. déjà une très bonne performance, là. Vraiment. 30 points dans un Pro Tour, c'est excellent. C'est bon pour 6 Pro Points, mais comme la saison termine, il reste plus tant de mois que ça à la saison, c'est son premier Pro Tour. Ouais. Il est pas sûr d'être qualifié au prochain Pro Tour. Ça risque d'être difficile pour lui d'aller chercher quelque chose comme niveau argent, Ouais. chose qu'il aurait peut-être pu considérer si c'était qualifié automatiquement pour le prochain Pro Tour. Fait que ça va se jouer au Pro Tour régional, au PTQ régional à la fin du mois d'avril pour lui, là. OK. Ouais, on reviendra Pour sur ça. cet aspect-là, pour voir si. Puis ses résultats au Grand Prix Cracovie, puis au Grand Prix Toronto, Ouais. qui sont de format standard. Ouais. Puis Et comme il a qu'est-ce qu'il jouait relativement en... bien fait en standard, Puis qu'est-ce qu'il jouait, Phil? correct. Finalement, il a décidé de jouer Red Green avec des dragons. OK. Thunderbreak Regen, Stormbreath Dragon, Darka. des Xenagos, Planeswalker pour les match-up contrôle. Puis il y a de l'accélération. Des Draconicror contre les decks aggro. C'est un deck qui fait un peu tout, puis OK. qui est proactif. Quand on discutait, j'ai discuté un peu avec lui, puis bien sûr, il a testé de son côté en Belgique avec Pascal Ménard, et puis la gang de Wizards Tower, le Paul Dean, puis Jay Lansdell, qui a écrit d'ailleurs un très bon article sur Mana Deprived, sur la préparation pour le proto, lui, de son côté, qu'est-ce qu'il a vécu. Il était avec Philippe dans la maison en Belgique. Puis on parlait de ça, puis on en est vraiment venu à la conclusion que c'était mieux de jouer un deck qui a un plan proactif plutôt que réactif pour lui, là. Visiblement, Blue Black a très bien fait avec le deck réactif. Puis il y a des gens qui étaient peut-être plus au fait des détails de comment la metagame allait être. Mais des decks comme Blue Black, s'ils sont pas bien calibrés, là, ça peut être plus difficile pendant ta journée. C'est clair. Puis comme on s'attend, ben, je dis on, là, parce que quand je parlais, c'est ça que j'y disais, là, mais il a sûrement eu ses propres réflexions avec son équipe, là. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de mono-rouge aggro. Ah, c'est sûr. Puis, à cause de Atarkos Command, puis des résultats qu'il a eu sur Magic Online pendant la semaine avant le Pro Tour. Pour ces raisons-là, je pense que Philippe s'est aligné vers un deck plus comme ça, plutôt que Mid-range un quelque peu. chose de plus comme Abzan Whip ou quelque chose du genre qui peut être un peu plus. Ouais, parce que là, je regardais sur le site de Wizards, là, il montrait les listes standards qu'il avait faites entre 24 et 27 points. Bon, là, je suis tombé sur une liste, celle de. J'ai de la misère à dire son nom, là, mais Magiège Jannick. Puis, ça ressemble un peu. Lui, des Xenagos, je sais pas si Phil en jouait, mais puis je regarde la liste, puis c'est quand même très solide. T'as une quelques bons jeux qui peuvent ralentir les decks aggro. Fait que quand tu t'attends que tu vas avoir des decks aggro, tu as ton Course of Crucifix au début. Tu peux avoir ton Sylvan Caryatid. À la limite, tu peux avoir ton Elvish Mystique qui bloque si tu en as besoin. Puis ensuite, ben, tu tombes dans les Thunderbreak Regent, puis les Stormbreath Dragon. Puis ta courbe est quand même solide là, du début à la fin, je pense. Fait que ça peut clairement être intéressant. Puis est-ce que tu sais si son... S'il avait remarqué des match-ups plus faibles, qu'est-ce qu'il t'a dit à propos de son deck? Il était satisfait, j'imagine. Il a quand même eu des très bons résultats, fait qu'il devait être content. Mais s'il y avait quelque chose à changer, comme là, il s'en va en Pologne jouer le. Ben là, c'est ça. Là, il s'en va à Cracovie. Ouais. Puis j'ai pas eu vraiment plus d'informations entre le. Parce qu'il est en déplacement, puis il est en Europe. Là, ouais, il ouais. Aussi, ouais. Là, il profite de son voyage. C'est que, clair. Je sais pas qu'est-ce qu'il va jouer en fin de semaine. Okay. On va voir. Ben ouais. Je sais qu'il n'était pas 100% satisfait du deck. Il était correct avec son choix quand même. Puis il a fait 7-3, fait qu'il était raisonnable. Mais il ouais. Faut quand même que tu piges bien. Puis si tu piges bien avec Red Green, tu risques de gagner parce que le deck a vraiment une bonne curve. Puis ça va bien. Mais tu sais, si t'as pas d'elfe, tour 1, ça va ouais. déjà moins bien. Si t'as une main qui n'a pas vraiment de pression. En tout cas, faut que tu piges bien parce que t'as pas vraiment de choses pour filtrer ton. T'as pas d'anticipate, par Ouais. exemple, pour t'as pas de spell pour piger. Fait que c'est là que. Ouais, c'est plus là que ça, la faiblesse. Faut que tu mulligan assez agressivement, je pense, avec ce genre de deck-là. Puis c'est pas le genre de deck nécessairement qui mulligan si bien que ça. C'est ça. Puis ça, c'est le. En fait, c'est un deck qui mulligan quand même. Bien, correct, parce ouais, que à cause de comme un dragon tour 3, puis après ça, un Stormbreath tour 4, puis tu sais, t'as pas nécessairement besoin de tes 7 cartes ouais. contre, par exemple, des mono rouges, des choses comme ça. Faut juste que tu curves. Ouais. Mais bon, je sais que ses deux premières défaites en standard, ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux, c'est que ben il avait gardé des mains un peu clunky puis il avait eu peur de mulliganer. Ouais, effectivement, c'est ça. Ça lui avait coûté game 1, puis après ça, ben ça a été difficile pour lui de revenir dans ces matchs-là. Mais après ça, il a pris en confiance avec le deck, il est retombé sur ses pattes, puis il a fini avec un très bon résultat au final. Puis toi, de ce que tu as vu du Pro Tour, de ce que tu as vu des listes, de ce que tu as lu aussi, s'il y avait quelques cartes là, à surveiller du nouveau de la nouvelle série Dragons of Tarkir, des cartes qu'on n'a pas le choix de connaître, peut-être un top 3, disons, des cartes que toi qui t'ont impressionné peut-être pendant le Pro Tour, ou des, à la limite dans certaines listes, mais des cartes de Dragons of Tarkir qui pour toi vont avoir un impact durable sur Standard, ce serait quoi? Disons un top 3 si tu avais à penser à ça, vite comme ça. Dragon Lord Ojdai. Ouais. Définitivement. Ouais. Bon, je dis. Ah, c'est fou, il est dans des listes complètement différentes. Là. Ouais, mais il pige des cartes. C'est une cloque rapide. Tu peux le jouer sans avoir peur de qu'il meure à un spot removal. Il y a pratiquement rien qui le tue dans le format qui peut vraiment te punir. Là. Il y a End Hostilities, Crux of Fate. Elle se pète. Ouais. C'est pas mal ça. Fait que. Dragon Lord. Tu peux jouer, puis après ça, quand t'as une tape avec lui, non seulement tu vas piger, mais là, après ça, tu peux te permettre d'attaquer juste au moment où est-ce que tu vas avoir des counterspells ou avoir fait un tentative pour t'assurer que. Ben, qu'il peut passer sans mourir. Fait que toi, tu le vois plus. Évidemment, c'est ça. C'est... Tu le vois plus dans des listes contrôle, parce que moi, j'ai remarqué... Au moins une liste avec un counterspell, des counterspells. Fait que, tu sais, je pourrais voir un deck peut-être bent, tempo, quelque chose avec des counterspells, backup. Puis Dramoka's comme ça. Ça fait partie des threats, là. Ouais. Mais il n'y en a pas eu de ce genre de deck-là. Il y a eu West Coast. Il y a eu un deck bent héroïque, mais il n'y a pas eu de... J'ai pas vu de deck comme ça qui a utilisé Dragon Lord Ojdai à cet essai-là. Parce que Crux of Fate fait en sorte que t'as un rat qui te permet de le garder aussi, lui. Effectivement. Bon. Probablement que c'est la meilleure place pour lui, là. Blue Black Splash Dragon Lord Uchida. Drama Cross Command n'a pas été aussi présent que, bon, que ce qu'on aurait pu croire, là. Mais ça a eu son impact sur la metagame. Beaucoup moins de personnes qui se sont basées sur des enchantements. Ouais. Hard Postage a pris une méchante claque, là. Ouais, vraiment, ça, les whips, ouais. J'ai pas vu de whip vraiment dominé. Ouais, c'est ça. Les decks de Master of the Unseen avaient en curseur pour mitiger l'effet de Drama Cross Command. Ils peuvent sacrifier le curseur au lieu de sacrifier le Master of the Unseen. Puis ouais. Bon, peuvent essayer de s'arranger comme ça. Mais Outpost Siege, les decks Jeskai, il veut soit Jeskai Ascendancy ou Outpost Siege, tu sais. Ouais. Fait que, ça a quand même eu son effet parce que les gens ils voulaient pas se faire complètement démolir par cette la carte-là, ouais, c'est ça. Fait ça veut quand, ils ont soit réduit le nombre ouais. d'enchantements, soit qu'ils ont juste décidé de jouer un autre deck. Ouais. Moi, une carte que j'ai vraiment été. Moi, une carte qui m'impressionne beaucoup, puis tu sais, c'est pas Thunderbreak Régent, là. Oh, ouais. La carte est juste excellente en Oh, soi, là. ouais. Mais c'est ce qui va bien avec. C'est Draconic Roar. Ok. Quand j'ai joué une couple de games là, sur Magic Online, ouais. Draconic Roar, c'est vraiment une carte qui me qui me surprend à chaque fois que je la Ouais, joue. hein, Puis c'est efficace comme carte, hein. j'imagine, mais j'ai pas joué encore avec Silumgar Scorn, là, le Counterspell. Mais pour avoir vu le résultat, pour voir les résultats de Blue Black, je suis obligé de croire que Counterspell C'est aussi bon, là. fait partie des raisons pour Ouais. lesquelles ce deck-là aussi bien performé. Ouais, Cette qui carte-là a de existe. l'air juste incroyable. Fait que c'est Silumgar Scorn puis Draconic Roar, pour des raisons différentes, mais sous-estimé probablement là, les deux. Ouais. Intéressant, ça. Ouais. Puis sinon, tu sais, c'est toutes Les gros une couple blockbusters, de là. cartes qui efficaces, tu sais, qui ressortent. Mais rien qui a vraiment fait un gros changement dans la metagame sur qu'est-ce qui existe déjà, Ouais, là. ouais. T'as ben, c'est ça, j'ai remarqué, bon, évidemment, tout le monde les avait vus venir. C'est Deathmist Raptor, puis ce rack de Huntcaller. Toi, en action, est-ce que c'est des. Deathmist Raptor, il y a plusieurs personnes qui désignaient cette carte-là comme étant potentiellement dans les meilleurs de la série. Est-ce que toi, tu crois que c'est le cas, ou est-ce que ça prend trop un environnement précis pour que la carte soit bonne, que. Comment tu décrirais cette carte-là, l'impact qu'elle a eu? Est-ce que pour toi, c'est une carte qui va encore faire son Ben, il y a chemin dans des son decks art? de ouais, ben, il y a des decks de Deathmist Raptor puis de Den Protector qui est Eternal Witness là, Ouais. qui unmorph puis là ramène les Deathmist Raptor. Ces decks-là ont pas mal fait là, c'est quand même long avant d'avoir assez de mana pour mettre en place tout Ouais, c'est vrai, effectivement. ça. Fait que Fait que, ouais. contre mono rouge là, je sais pas qu'est-ce que moi d'après moi j'ai pas testé là, puis j'ai pas vu sur caméra de match-up Green Devotion qui utilisait Den Protector puis Deathmist Raptor contre mono rouge là, j'en ai pas vu là. OK, Peut-être ouais. qu'il y en a eu, mais moi je n'ai pas vu. Mais d'après moi ça doit avoir de la misère parce que ça avait l'air d'être plus du genre Ouais. Mais c'est lent parce essayer qu'imagine, de tu sais, ouais c'est ça, à tu joues. essayer de se rendre dans le tard dans la partie, puis de commencer à utiliser, d'abuser des Den Protecteurs, de ramener des Den Protecteurs, de remettre en jeu, puis ramener les Mist Raptors à tout bout de champ, là. Ouais. Effectivement, je pense que ça, c'est le. En anglais, il y a comme un terme, c'est setup cost. Fait que, tu sais, mettons, le coût que tu as à mettre pour placer tes pions, disons, c'est trop élevé pour. Tu sais, mettons, contre un deck trop rapide, là, dans le fond, le coût est trop élevé pour être efficace. Mais j'ai l'impression qu'il va toujours. C'est le genre de carte qui attire beaucoup ceux qui aiment Oui, puis les gens créer vont des essayer, decks, puis là. Tu sais, fait que c'est ça, il y a plein de monde qui vont essayer de trouver le meilleur environnement pour cette carte-là. Donc, à risque de quand même se promener en standard, j'imagine, en tout cas. C'est une très bonne carte. C'est Ouais. vraiment une très bonne carte. Ouais. Mais tu sais, Abzan Charms, c'est encore quelque chose qui existe. Ouais. Ben. Draconic Roar, même Draconic Roar, Effectivement, Lightning tu peux. Strike. Tu peux réussir à out tempo parce que c'est juste une 3-3 quand Ouais. même. Puis, c'est ça. Il y en a qui jouaient. Il y en a qui le jouaient juste comme ça, puis avec rien d'autre que Whisperwood Elemental, puis peut-être manifester quelque chose qui peuvent retourner pour pouvoir le. Puis ils trouvaient ça bon juste comme ça, là, Ouais. sur la chance sur 10 de peut-être pogner quelque chose qui va le faire revenir, là. Ouais. Fait qu'un deck qui construit pour le faire revenir le plus souvent possible, c'est sûr que ça va être bon contre des decks de créatures, puis c'est sûr que ça va être bon contre des decks qui essayent de faire du 1 pour 1, Ouais. comme Abzan ou ou même comme contre des decks contrôle, là. OK. Excellent, puis ben c'est bon ça. Dans le fond, puis il y a Serac là, que je vois qui est beaucoup utilisé. Je sais pas si c'est le genre de carte qui va peut-être se dégonfler un peu. Je sais que c'est des grosses statistiques quand même. Pour 4, 5, 4, c'est bon. Je sais pas jusqu'à quel point là, le Formidable, le formidable était dominant pendant le Pro Tour. Je sais pas si tu as vu des matchs où son habileté a été vraiment dominante. Sinon, 5-4 pour 4, c'est quand même toujours un. Pas mauvais, on s'entend, mais je sais pas. C'est le genre de carte qui pour moi me jette un certain doute. T'as vu quoi toi avec cette carte-là? Est-ce que t'as un truc à dire sur ça ou pour toi c'est une carte parmi tant d'autres? Ben, je l'ai pas vraiment vu en action, Ok. mais je sais que Brad Nelson, qui a fait 9-1 en standard, en jouait dans son deck. Skip, ouais. Abzan aggro. Ok. Ouais. Ouais, j'avoue. J'ai vu des gens qui jouaient Red Green, qui jouaient Surak aussi. C'est quand même une carte qui doit être répandue là, rapidement. Ouais, effectivement. Puis comme il y avait probablement moins de gens qui jouaient Siege Rhino. Ça sûrement que si ça peut être bloqué là, ça fait pas grand-chose. Ouais. Puis si t'as pas déjà une créature en jeu au moment où est-ce que tu le joues puis qu'il n'y a pas haste, ça fait pas mal moins de job que si t'es capable de jouer de donner haste puis après ça qui dure un autre tour. C'est une Ouais, carte effectivement. qui est vraiment agressive, qui coûte pas très cher, c'est vraiment une très bonne carte. Mais je sais pas à quel point ça va avoir un impact sur Standard en ce moment. Ouais. Parce que c'est ça. Visiblement, il y en a qui apprécient beaucoup la carte, là. Ouais. Ouais, ben, elle est vraiment présente, là. Mais ça n'a pas été une révélation pour moi au Pro Tour, là. Ok, cool. Parce que il y a d'autres choix encore. Tu sais, il y a des gens qui décident de jouer Polychronos ou Ouais. c'est quand même une créature légendaire aussi, le Surak. Des fois, tu veux pas en piger plus qu'une Non, là, c'est ça. pendant une partie. Ça peut être. Fait qu'il y a des gens qui décidaient de jouer Polychronos ou. Whisperwood Elemental pour avoir de la value, puis ou des Xenagos Planeswalker contre contrôle qui va être un peu meilleur là, que Surak. Ouais, ok. Puis la question aussi qui pour moi est, je pense, qui est très importante parce que le Pro Tour, ça reste que c'est un tournoi qui a deux formats. En fait, t'as limité, t'as construit. Et jusqu'à quel point on peut servir des résultats, disons, du Pro Tour, de regarder justement juste le top 8, regarder ces decks-là puis dire ben voici les meilleurs decks de standard. Ou il faut plutôt aller fouiller pour creuser, voir bon ben. De ces joueurs-là. Un peu, c'est ça. Comment on fait pour analyser les résultats d'un Pro Tour comme ça pour voir un peu c'est quoi les decks qui semblent être les plus dominants? Moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, j'ai quasiment plus d'intérêt à regarder la liste des 24-27 points en standard que la liste des top 8, disons. Ouais, je suis absolument d'accord avec toi. Comme la liste du gagnant, oui, c'est une bonne liste, là. C'est vraiment. C'est un deck efficace, mono-rouge. Ça gagne depuis longtemps à Magic, là, c'est pas nouveau, là. Ouais, non, c'est ça. Ouais. C'est pas nouveau. C'est une stratégie qui existe depuis toujours. Puis dans les formats nœuds, habituellement, c'est pas un mauvais choix, tu sais, parce que, bon, les deck controls sont pas tout à fait bien calibrés. Fait que si t'arrives à quelque chose de vraiment très, très, très agressif, puis que tu piges bien, mais là, tu peux ramasser pas mal tout le monde, tu sais. Ouais. Sauf que, aujourd'hui, les cartes sont tellement plus fortes que dans le temps que Vraiment. il peut se passer bien, bien, bien des affaires. Puis Comme il y a. Ta question est intéressante. Est-ce qu'on regarde des listes de 24-27 points ou est-ce qu'on regarde la liste du top 8? Ben, oui, la liste du top 8, les gens ont au moins fait. près 7, ouais, 7-1-2 pour rentrer. 7-1-2, ouais, probablement, Ou 7-2-1 ouais. là, Ouais. pour rentrer dans le top 8. Parce que il y a une série de drafts. Il y a deux drafts pour rentrer dans le. Il y a deux drafts au proto. Fait que, il y a 6 rondes sur 16 qui sont des rondes de draft. Fait qu'il y a des gens qui vont faire 9-1 en standard, comme Brad Nelson. Ouais. Mais qui ne seront pas top 8 parce que ben ils ont fait je pense qu'il a fait 2-4 là, en draft. Ouais, c'est ça. Quelque Donc là, chose tu du genre. vois pas sa liste dans le top 8. Donc, ton attention n'est pas attirée vers cette liste-là, mais qui finalement fait 9-1. Évidemment, bon, Brad Nelson, c'est tout un pilote aussi en standard. On s'entend, c'est son format de prédilection, puis c'est tout un Ouais, joueur. c'est ça. Mais n'empêche que c'est peut-être une liste que tu verrais pas passer, tu sais. Ou la liste de Ben Heroic Ouais. de Tom Ross, qui est comme un Blue White Heroic, mais avec Drama Cascoman, je pense que c'est ça qui joue, puis Ouais. une couple d'autres cartes dans le sideboard. C'est. Ce deck-là, hop, moi j'ai pas vu au poteau, puis pas vraiment connu une grosse gloire là-bas. Par contre, sur Magic Online, le PDQ de la semaine suivante, il y en a eu 4 dans le top 8, puis c'est un deck comme ça qui a gagné. Ouais. Fait que, bon, c'est-tu parce que les gens l'ont réalisé un peu sur le tard? Est-ce que c'est parce que, bon, ça répondait à des besoins dans la metagame? Je sais pas. Mais, une chose est certaine, en ce moment, puis c'est ça que j'avais dit à Philippe aussi, en ce moment, les cartes sont assez bonnes pour que c'est assez balancé pour que un deck proactif que tu connais, qui fonctionne, qui a un plan, puisse gagner contre à peu près n'importe quoi. Puis que rendu là, c'est une question de préférence de comment tu joues à Magic, puis de te sentir à l'aise avec ton Ouais. deck puis de le Puis là, connaître. honnêtement, il y a vraiment beaucoup d'options quand même, là, tu Parce sais. qu'il y a beaucoup d'options. Il y a beaucoup d'options qui ont fait 9-1, 8-2. Ouais. Il y a beaucoup d'options qui ont fait 7-3. Puis, c'est à peu près toutes les decks ont prouvé qu'ils pouvaient gagner. Suffit de. Suffit de le faire rendu là. Ouais, exactement, parce que moi, c'est ça que. Tu sais, mettons, là, t'as toutes les variations d'Abzan de aggro à contrôle, là, disons. Là. Il y a tout ça. T'as des listes Esper, t'as des listes Gruul, t'as des listes qui vont jouer sur Jeskai encore. T'as des listes Mono Rouge et les Whip. Donc, honnêtement, il s'agit de voir un peu ce que t'aimes, où est-ce que tu penses que la métagame est précisément. Puis, en fait, c'est justement, je pense que là, c'est vraiment. On est au point où il faut être. Les decks qui vont gagner, c'est les decks qui vont bien se positionner dans une metagame. Ce ne sera pas les meilleurs decks dans l'absolu, là. Ça va être dans une metagame précise. Justement, là, le Pro Tour, c'est un deck aggro qui a gagné. On pourrait s'attendre qu'il va être. Les gens vont faire un peu de metagame, vont dire, bon, ben, vu que c'est ça qui a gagné, les decks mid-range vont être bons. Fait que là, tu pourras avoir plusieurs personnes qui vont arriver en mid-range pour pas perdre contre des decks aggro. Puis là, soudainement, les decks contrôle vont devenir bons. Donc, ça pourrait très bien que ce soit un deck contrôle qui gagne le prochain Grand Prix, par exemple. Tu sais, c'est un peu un jeu d'échecs comme ça. Donc, ça va être de voir les decks que t'aimes, de bien te préparer contre tes match-up. Puis rendu là, ben, c'est de connaître la metagame un peu, puis de positionner. En tout cas, c'est là, on semble, ça semble être un peu plus clair, ça va être quoi la metagame. de, c'est-à-dire, ça va être quoi ce format-là autour de Dragons, de Cons of Tarkir, tout ce bloc-là, et avec Dragons of Tarkir, ça va être, je pense, justement un format où il va falloir que les joueurs soient très alertes à savoir c'est quoi qui semble être dominant, puis d'aller se chercher un deck qu'ils peuvent bien piloter pour avoir un... Je pense qu'en fait, ça va être le sideboard aussi qui va être hyper déterminant dans le format dans lequel on est. Ça va être justement la préparation du sideboard, parce que je pense que les premières 60 cartes peuvent justement, comme on vient de le dire, être très bonnes dans à peu près tout, tous ces archétypes-là qu'on a nommés peuvent être excellents à un moment donné, mais ce qui va faire la grosse différence, je pense, ça va être la préparation du sideboard. Mais on parlait de Dragon Lord Jedi tantôt, puis je viens de tomber là, sur la liste de Craig Wesco qui a fait 8-2, je pense. Ouais, c'est ça. Ben, c'est Bent, justement, avec et Surak, et Dragon Lord au Jedi, et Den Protecteur d'Etmiss Raptor. Ouais, c'est ça. Puis, je trouve que cette Puis, liste-là est c'est pas des intéressante. counterspells. C'est C'est ça. ça. Craig Wesco a des counterspells en sideboard. Stubborn Denial, Negate. Puis, main deck, il sert de Valorous Stance pour protéger son Dragon Lord au Jedi quand il attaque. Puis aussi, c'est ça exactement. Fait que c'est une autre Puis il y forme. a Haste avec Surak. Ouais, exactement. Fait que ça devient intéressant. Puis c'est, je trouvais que cette liste-là était Si originale. jamais. Ouais, c'était intéressant de voir le splash qu'il y avait pour Dragon Lord. Puis honnêtement, avec les, je pense qu'avec les fetch, avec Mana Confluence, bon, c'est sûr que c'est une mana base qui fait un peu mal, mais t'as des Curse of Crucifix qui peuvent t'aider à regagner cette vie-là. Puis t'as quand même un bon jeu dans les premiers Mais je vais tours, aller t'sais. voir s'il n'y a pas des matchs de lui dans les rondes sur Ok, YouTube là, ouais. parce que là les rondes sont disponibles. Ouais. S'il n'y a pas un match avec Craig Wesco pour voir comment son deck À performer. c'est comment il joue comment il se développe parce que sur papier on peut bien dire on peut bien regarder des listes puis leur faire Une dire bien des idée, affaires, là, ouais. mais comment ça se joue, ça c'est une autre affaire. Vraiment. Puis, Ouais. mais comme j'ai évoqué un peu l'idée que là, il y a des Grands Prix qui s'en viennent, qui vont être en standard aussi, puis qu'on va parler. En fait, on a dit un peu que la metagame, ça va être un point central, les sideboards, tout ça. Avant de peut-être quitter le Pro Tour, j'aimerais ça qu'on jase un peu des potins du Pro Tour de Dragons of Tarkir, parce qu'il s'est quand même passé pas mal d'affaires. Et moi, j'ai pas tout suivi ça, mais j'ai vu des noms passer, j'ai vu qu'il y avait des disqualifications, j'ai vu qu'il y avait un peu de controverse autour aussi de Patrick Chapin. Donc, j'aimerais ça, si t'es au courant de ces trucs-là, qu'on en fasse peut-être un petit tour d'horizon là, pour se Mais moi, partir le lundi ou bien le 7 jours de Magic. Patrick Chapin, j'étais dans un café, puis là, je prenais une pause de rédaction. Ouais. Puis là, je mets le proto. Puis j'arrive justement sur ce match-là, Ok. à peu près 10 minutes là, avant que l'événement arrive. Ok. Fait que t'as regardé le match quand c'est arrivé. Ouais, Ok. c'est ça. Puis là, je trouvais que Patrick était vraiment stressé à l'os, Ben, il a tendance à il faisait plein trembler, de... là, mais. Ouais, c'est ça, mais tu sais, il tapait mal son mana, Ok. il hésitait à... Il y avait deux Planeswalkers, il hésitait à choisir quel qu'il faisait en premier, quel qu'il faisait en autre, puis c'était vraiment une game très difficile, là, Ok. pour être honnête, puis il était stressé, puis il savait que il allait manquer de temps, Okay. aussi, dans la ronde, mais il jouait, tu sais, c'était... Il jouait pas bien. Non, non, non, non, c'est ça, c'était Ah, huileux pas mal, là. ouais. Ça tournait Puis, carré. il tournait les coins ronds pas mal. Puis là, à un moment donné, il a fait Read the Bones. Ok. Puis il a pas scryé, il a juste pigé les deux cartes. Ok. Puis il les a mis dans ses mains. Ok. Puis là, il a fait genre, ouais, je les pigeais, puis... Ok. vraiment bizarre, tu sais, Ok. comme... Ouais, Tu voyais qu'il venait de faire une erreur, là, puis ouais. il aurait dû scryer. Puis il essayait de bien paraître, tu sais. Ouais. Mais à ce moment-là, d'après moi, il a tilté. Ok. Ça se peut. Intérieurement. Là. Ouais. Puis il a joué deux lands Ok. ce tour-là Ouais. pour jouer Elspeth. Ok. Déjà, Il c'est a une grosse erreur joué deux lanes grave. direct, Il a joué là. deux. Paf, paf. Ce Ok, tour-là, il avait joué un il a joué prix. Yugen à 8 mana. Ok. Le tour d'avant. Il a untappé, il a joué une land tappée. Ok. Il a joué Read the Bones. Il restait 5 mana. Il y avait un Temple of Silence qui avait scryé. Ok. Il a joué Read the Bones, il a pigé. Il a fait ouais, je voulais les piger. Ok. Il a pigé une land puis Elspeth. Il a mis Il a sa joué sa land. land, il a joué Elspeth. Let's go. Puis c'était sur caméra. Puis est-ce que Oui, les commentateurs l'ont vu, oui. là? Ça, c'était sur caméra. Ben. Puis il n'y a personne qui a rien dit. Puis tout Voyons s'est donc. passé dans le beurre. Après ça, plus tard, il a joué un Adjani. Ok. Il a fait le plus un pour checker ses quatre prochaines cartes. Il a pas révélé, il a mis la carte dans ses mains. Et où? Puis là, les juges, ça, l'ont vu. Ouais. Heureusement. Puis là, il a fait « Oh non, non, elle a pas touché ma main, Ok. blablabla. » Puis là, l'autre, il s'est mis à dire que les cartes du dessus de sa librairie avaient été révélées par curseur, fait que le gars savait qu'est-ce qu'il y avait dans ses mains, tu sais. Ok. Ok. Ouais, Puis là, l'autre, il était là « Ben non, curseur, il est mort il y a comme 6 tours, là. Moi, je sais pas exactement, je suis pas sûr à 100% du contenu de ta main, ben là. » non. Puis je peux pas te dire c'est quelle la carte, puis de toute façon, tu sais, c'est pas comme ça que ça marche les règles Non. de toute façon, là. C'est Non. si la carte a touché à ta main puis tu l'as pas révélée. Ben, c'est un game loss, je pense. Failure to reveal, c'est game Ouais, loss. il me semble, ouais. C'est ça que le juge à la table lui a donné Ok. Ah ouais. comme pénalité, game C'est loss. ça. Puis après ça, le juge principal du tournoi, il est arrivé, puis il t'sais, Patrick Chapin, il a fait l'appel. Ok. Mais il a eu son game loss quand même. T'sais. Ok. Moi, je suis content qu'il y ait eu game loss parce que moi, j'ai été du côté opposé de ça. Ça m'est arrivé jamais arrivé personnellement de faire ça, mais il y a quelqu'un qui avait pas révélé avec Damrirad. Ok, ouais. On était dans un Ouais. PTQ. Il a pas révélé avec Damrirad. Il l'a mis dans sa main. C'est Failure to Reveal. Ça finit là, tu sais. Ben oui, c'est sûr, là, T'as parce que... perdu, game loss, c'est fini. Puis moi, je me sentais pas bien pour l'autre, là, mais Non, moi, en même temps, j'ai pas à rendu... me sentir mal. Il a fait une Non. erreur, puis C'est ça. il y a un game loss. Non, non, Puis moi, c'est sûr, je suis rendu content là. de voir que même au Pro Tour, Même dans avec un un Hall futur of match Famer avec aussi. un gars qui a gagné un Pro Tour avant toi, le judge, il dit, ben non, Ouais. c'est la même règle pour tout le monde. Il y a pas d'exception à ça. On peut. Il Ouais. faut que tu révèles la carte. Puis c'est important de révéler parce qu'il y a une condition qui est associée à la carte que tu peux prendre. Fait. Ouais, il est, Chapin, il peut devenir vraiment stressé là quand je sais pas si t'avais écouté les Worlds là, mais il est en finale. Puis écoute, il shakeait, j'étais voyons donc qu'il est de même, t'sais, je sais pas là, est-ce que c'est parce que Je sais pas, c'est son tempérament, mais tu sais, ça quand... c'est personnel à lui, là, Ouais. pour un petit, je sais pas, là, peut-être C'est qu'il y a ça. des choses à régler avec lui-même, mais... Mais en tout cas, je pense que quand il est devant la caméra, peut-être qu'il devient nerveux. Mais je sais pas, en même temps, le gars, il a du millage, puis c'est pour moi, en tout cas, c'est un excellent joueur de Magic. Il a une contribution énorme pour tout ce qui est tout le côté comme théorique de Ben, il y a de Magic. l'air... Écoute, c'est un Je cerveau veux de pas faire de Magic. diagnostic puis de patinage pour rien, là, mais il y a de la personnalité limite un petit peu. Ouais. Mais, tu sais, il est tout le temps Ouais, exubérant vraiment. ou très stressé, puis on le voit souvent dans les matchs, tu sais. Fait Ouais, que... il boit peut-être trop de boissons énergétiques. Peut-être, on va mettre ça sur le compte du Red Bull. Ouais. Non, mais on veut pas faire quelque chose de personnel, mais des fois. Ça arrive à tout le monde d'être stressé Ben pour un oui. match, surtout quand. Moi, je le serais en tout cas. C'est sûr, je le serais. Probablement que n'importe qui ici aurait été aussi stressé que lui, puis que ça n'a rien à voir avec sa personnalité, là, mais Ouais. c'est pas la première fois que ça y arrive Ouais, puis tu sais, comme non admettons, plus. moi, je... Puis c'est pas la première fois que ça y arrivait dans ce match-là. T'sais. Il a Ouais. fait plusieurs erreurs techniques dans ce match-là, puis il s'en était sorti jusque-là. T'sais, moi, je pense que il essayait d'argumenter puis il en rajoutait, t'sais, mais Ouais. il aurait dû réaliser à un moment donné qu'il avait perdu le contrôle de sa game pendant ce match-là. Ouais, tout à fait. Puis que toutes ses erreurs qu'il avait faites Hein? durant la partie avait été remarqué par tout le monde. Ben ouais, puis c'est ça, puis ça m'amène sur un sujet. On va aller tout de suite aussi vers peut-être une des deux disqualifications qu'il y a eu, parce qu'il y a eu deux disqualifications. Juste une dernière chose sur Chippen. Il y a des gens qui disaient, ben, allez voir la reprise vidéo si pour voir la carte qu'il prend. Ouais. Mais il y a quelque chose là-dessus qui serait injuste par rapport à la personne dans le PTQ contre qui j'ai joué, qui avait pas révélé avec Domri puis qui a eu son game loss. Il y a comme une différenciation, là. Ouais. Comme un traitement de faveur, parce que ça donne que tu étais avec une caméra, ben là, tu peux faire affaire avec la caméra vidéo, mm-hmm. Tu sais. Ouais. Moi, je trouve que les règles devraient s'appliquer de la même façon à tout le monde. Ouais, moi puis aussi. T'as des choses à respecter, t'as des... C'est comme si les caméras étaient pas là, finalement. Là. Ouais, essentiellement, moi t'as aussi, des... c'est ça, je pense. Faut que tu joues comme si les caméras étaient pas là. Ouais. Puis... Faut que tu révèles à ton adversaire. La communication, elle se fait avec ton adversaire, pas avec l'auditoire. T'sais. Ouais, je pense aussi, c'est sûr que... Faut que tu révèles tes cartes. C'est sûr que, tu sais, admettons, là, justement, le Pro Tour est sur la ligne, c'est filmé que le gars a mis deux lanes dans le même tour. Les commentateurs peuvent-ils dire appeler un juge, dire juge, je pense pas. Oui. Donc si eux peuvent, c'est ça devient. Mais ils peuvent. Mais lui, tu sais, le contraire. Est pas vrai. On peut pas dire ah, oh, on revient sur quelque chose que t'as. Tu sais, ouais. T'as fait une erreur technique, t'as pigé une carte que tu devais pas piger. On va aller voir c'était quoi ta en main. En la révélant pas. Mm-hmm. Non, on peut pas se servir de la caméra pour voir c'était quoi le contenu de ta main avant. Ouais, je comprends. T'sais. Pour pas que t'aies de game loss. Ouais. Non, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est, ouais, tout à fait, ça je suis d'accord. Tout à fait d'accord. J'ai hâte d'entendre Chapin se défendre, c'est sûr qu'il va en parler, comme il y a une balado lui aussi avec Michael J. Flores, qui s'appelle Top Level Podcast, si jamais vous aimez les balados et que vous voulez aller l'écouter. Moi je l'écoute une fois de temps en temps, ça n'est pas toujours... si excellent, mais c'est quand même pas pire. Je fais une petite parenthèse sur ça là. J'écoutais dans une de leurs balados, ils font juste jaser et Michael J. Flores était pas qualifié pour le Pro Tour et là il essayait de gagner des pré-PTQ puis il réussissait pas. Et là ils ont commencé une balado en se disant là faut que je me fasse une liste que je vais aimer, que je vais être capable de gagner avec, parce qu'il jouait à Abzan, ça marchait pas. Puis là, juste la balado, c'est il se donne des idées, il monte une liste, juste en parlant, puis ils font une liste, bon, ouais, ils n'ont pas révolutionné le monde, ils ont fait une liste bleu-noir contrôle, mais quand même avec certaines saveurs, avec des trucs un peu intéressants, là, qui sortaient de l'ordinaire. Et tout de suite après, Michael J. Flores, avec la liste qu'ils ont montée, juste comme ça, à voix haute, a gagné un prix PTQ, puis là il va aller faire les PTQ régionales avec ça. Fait que c'est quand même pas pire, tu sais, de voir que il se monte une liste juste en échangeant, puis ça fait des discussions intéressantes là. Tu sais, c'est quand même Patrick Chapin, il est connu là pour juste un instant, pas de problème. Guillaume. Oui. Ça se peut qu'on entende un bébé en arrière. J'ai mon bébé dans mes bras. Allô? Tu veux-tu lui dire bonjour? Ben oui. Salut bébé. Ah, allô. Même plus trop sûr de ce que je disais. Faudrait que je recule. Michael Flores. Ouais, c'est ça. Ben, bref, c'est ça. Plus PTQ. Ok, fait, finalement, avec la liste de. Donc, si je fais. Ça se peut qu'il y ait un petit clic. Là, je vais avoir coupé dans l'enregistrement. Rebonjour. Michael J. Flores. Qui finalement s'est classé, puis là il va faire les régionales avec la liste qui ont monté pendant la balado, ce qui était quand même intéressant. Mais c'est ça. Fait que, pour faire on allait parler des disqualifications, puis ce que j'allais dire en fait, c'est que c'est toujours quelque chose qui me. Tu sais, je l'ai fait là, quand j'étais au secondaire là, de tricher avec mes amis à Magic parce que je voulais vraiment gagner, puis tu sais, mettons de comme mettre deux laines, j'ai sûrement déjà fait ça quand j'avais 12 ans. Tu sais, mais que ce soit une erreur, j'accepte. Mais écoute, il y a des joueurs, des fois, que c'est n'importe quoi. Tu sais, mettons, là, t'sais, tricher à Magic, s'il vous plaît. Là. Si c'est un peu plus fort, mettons que c'est plus fort que toi, puis tu veux tout le temps aller chercher un petit plus, puis que tu en viens à tricher, arrête de jouer, sérieux. Ça vaut pas la peine de jouer à Magic si tu triches. Ça vaut juste pas la peine. C'est ridicule. Il y a eu deux disqualifications. Là. Une de Desani, Jérémy Desani, ouais. Qui qui s'est fait disqualifier parce qu'il a changé sa version au Ouais, c'est cours ça. d'une enquête d'un juge. Il a changé sa version. Si vous avez fait une erreur, assumez votre erreur, puis vous allez avoir un game C'est loss, ça, tu te reprendras mais la vous semaine ferez pas. prochaine, là. Tu sais, c'est sûr que c'est plate, c'est le Pro Tour, puis c'est un gros Surtout, surtout événement. dans les. Surtout dans les. En tout cas, surtout dans des situations comme celle où est-ce qu'il était, là. Il était 2-5, je pense. Il était déjà sorti du Pro Tour du jour 2. Puis là, il a juste. Dans le fond, il a perdu ses 3 Pro Points. Pour absolument rien, là, parce Puis là, c'est que la il n'y avait réputation. aucun enjeu sur le match, rien. Faut pas faire. Puis, Mais non. changer sa version puis mentir à un juge, c'est vraiment la pire des idées que vous pourriez Vraiment. avoir. Puis l'autre, Stephen Speck, OK. qui a déjà battu Pascal Ménard plusieurs fois en top 8 de Grand Prix, OK. ben lui, il s'était fait une main de départ. Il a brassé son deck et a présenté un deck de 53 cartes. Oh, t'es-tu Il avait sérieux? déjà sa main de départ sur le côté, là. Ok. Comme le bon vieux Las Vegas, là. C'est-tu? L'as dans la poche. Malade. Incroyable. Fait que faites pas ça. Mais non, Trichez pas. c'est ça. Parce que si vous trichez après ça, il n'y a personne qui va vouloir jouer avec vous. Vous allez être un paria, puis. De toute façon, sérieux, pense-y 2 minutes, là. T'es en train de tricher à Magic, là. Allô, là. S'il vous C'est plaît, ça, là. là, tu sais, comme, il n'y a pas. Non, non. Moi, c'est ça là-dessus, là. L'enjeu. Il y en a qui voient l'enjeu, là, du proto un petit peu trop gros, là. Parce que Ouais. si tu calcules toutes les gains que tu fais avec le proto, ben, c'est à peu près l'équivalent du salaire minimum pour une année, là. Fait C'est que. ça. Tu Exactement. Écoute, sais, Renaud. oui, tu veux la gloire, mais. On a un bébé qui Ben pleure oui, ici. mais moi j'adore ça. Mais écoute, ce que je pensais, je suis vraiment content de ce qu'on a fait comme tour Oui. d'horizon, puis Je pense qu'on peut, on peut, tirer. on peut dire aux gens qu'on va en refaire un autre la semaine C'est ça, prochaine. exactement. Qu'on est très heureux. On est de retour. Il y en a qui sont moins heureux. What the? On est de Lève les retour. genoux par honte, Je vais fais la faire la fin. débandade. À À la semaine la prochaine! semaine prochaine, tout le monde. J'adore ça. Oh, pourquoi? Garde-la comme ça. Je garde ça comme fin, c'est certain.